tout de suite sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. LSD passe à l'heure d'été. En pédalo ou seul, au boulot, en randonnée, dans une chaise longue ou tranquille, dans la ville, 53 minutes de rediffusion choisies dans la série documentaire. Cette semaine, Louis Pasteur, une série d'Olivier Chomel réalisée par Rafik Zénine. Au départ de cette série, il y a le savant dans son laboratoire face à la cage à lapins, son calot sur la tête et ses notes à la main. Louis Pasteur est un génie, mais heureusement, il a aussi quelques failles. Alors pour commencer, les personnages. Un bouvier, une bête de travail, une équipe dévouée, un père tanneur, des patriotes, les filles du recteur, un jeune enragé et un scientifique nationaliste. Ensuite, le décor. Une maison natale, encore une rue Pasteur, un cimetière, l'Alsace, la Lorraine et l'Allemagne, des médailles, un monument aux lapins morts pour la science et le culte de la personnalité. Aujourd'hui, deuxième épisode, on ressort les archives. Dans la série « Grand savant, grand médecin », une émission écrite par Henri Pourret et réalisée par Georges Godbert, les programmes d'outre-mer de la radiodiffusion télévision française vous invitent à écouter aujourd'hui une évocation sonore de la vie et l'œuvre de Louis Pasteur. Nicole a été mordu par un loup enragé, maman. Alors on l'a emmené à la forge de Cartier. J'y étais pour voir ferrer les chevaux. Le maréchal a fait chauffer ses fers et il les a appliqués sur les plaies. Oh, maman, c'était horrible, maman. Le bouvier a crié, a hurlé. Ça sentait la viande grillée, maman. Oh, maman. Nicole va-t-il mourir? Louis, calme-toi. Calme-toi, tu es tout pâle. Mais non, non, Nicole ne mourra pas. S'il a la rage, maman, il va mourir. C'est affreux. Mais affreux. Non, Louis, ne pense pas à cela. Maman, c'est trop affreux, la rage. J'y penserai toute ma vie, maman, toute ma vie. Toute ma vie. Pasteur, c'est une bête de travail. Hein. C'est un type, vous lui posiez un problème, au lieu de répondre par 3 manips, il répondait par 100 manips. Au lieu de faire un exemple sur une molécule ou une plante, ou un microbe, il multipliait les microbes. Et quand il ne pouvait plus, lui, faire ça, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait son équipe. Donc il avait toujours comme ça cette force de travail extraordinairement impressionnante. C'est quand même à cause de Pasteur qu'on s'est rendu compte que des microbes, il y en avait absolument partout. Et on pourra dire que Pasteur a un peu découvert un nouveau monde comme Christophe Colomb. Et il disait toujours, il n'y a pas de science pure ni de science appliquée, il y a les sciences et les applications de la science. Comment un peintre prometteur devient bienfaiteur de l'humanité? Olivier Chomel, Rafik Zénine. On doit toujours se garder de laisser les enfants assouvir leurs ambitions artistiques. Il faut au contraire les brider sévèrement. Un artiste est un crève-la-faim en puissance. Louis Pasteur, qui jeune était un pastelliste talentueux, aurait certainement fait un parfait clochard s'il s'était laissé aller à sa vocation initiale. Sa barbe en eût été plus fournie sans doute et grouillante de vermine. Heureusement, il a rencontré la chimie, qui est une occupation autrement plus sérieuse que les dessins qu'il pouvait faire adolescent. Tout ça de perdu pour l'art, tout ça de récupéré pour la science. On peut gager que le genre humain y a gagné. Louis Pasteur a révolutionné la science. C'est en chimiste qu'il débute. Il constate les rapports existants entre la forme cristalline, la constitution chimique et l'action sur la lumière polarisée. Il démontre la dissymétrie des molécules édifiées sous l'influence de la vie. En chimiste biologiste, il étudie les fermentations et découvre que les infiniment petits en sont responsables, comme ils sont responsables aussi de la décomposition des substances animales et végétales. Par eux s'effectue le cycle ininterrompu de la vie et de la mort. Alain Marchal, vous avez été longtemps président de la Société des Amis de Pasteur. Oui. Et on est à Dole, parce que de même que la maison natale de Georges Brassens se trouve rue Georges Brassens à 7, la maison natale de Pasteur à Dole est rue Pasteur. Ça s'appelait avant la rue des Tanneurs. Absolument. Vous avez encore une ancienne boutique de teinturier. Tous des métiers comme les tanneries, les tanneurs, qui utilisaient beaucoup d'eau. Donc ils étaient forcément au bord de ce canal qui date de Charles Quint. La ville est très belle sous le soleil. On peut imaginer au début du 19e siècle un contexte assez sale et nauséabond, parce que la tannerie, ça dégage pas mal de mauvaises odeurs. Oui, et ça a duré jusque 1950. Et alors dans les années 1820, c'est une activité prospère, la tannerie ? Oui. Alors, Jean-Joseph Pasteur, le père de Louis Pasteur, avait fait sa réputation ici de tanneur à Dole, et il était connu sur les foires à Besançon, etc. Donc il a quand même été 10 ans, et c'est 10 ans essentiels dans sa carrière. Et il va inculquer à son fils des valeurs sur le travail, la volonté, l'ambition qu'on retrouve dans ces petites phrases qui étaient à la mode à l'époque. On parlait un peu comme avec des morales des fables de La Fontaine, quoi. Hein, voyez ? Vous n'avez pas oublié les clés de la maison de Pasteur, Alain Marchal ? Non, elle est ouverte. Tout simplement. Oui. Vous nous y emmenez ? Absolument. Alors, vous voyez, sur la façade de cette maison, au 43 de la rue Pasteur, vous avez donc une plaque qui est apposée. Ici est né Louis Pasteur le 27 décembre 1822. Une grande plaque en pierre. Vraiment, puis dans le style Napoléon III, vous voyez, hein, de la fin du 19e. Alors, ce qui est intéressant pour cette plaque, c'est de souligner que la ville de Dole a invité Louis Pasteur à venir l'inaugurer un 14 juillet 1883. Et un 14 juillet, ça n'est pas non plus anodin quand on connaît le patriotisme de Pasteur. Et le 14 juillet était redevenu la fête nationale depuis 2 ans, 81. Donc tout ça a beaucoup de sens. C'est suite au premier vaccin, en particulier sur le charbon, en 81. Avant, tu n'étais absolument pas connu du grand public. Tu peux quand même. Du grand public, non. Non, ses travaux sur les cristaux, personne n'était au courant. Et puis même la génération spontanée et les fermentations, c'était les prémices de la biologie et de la microbiologie, la microbie, qu'on dira plus tard, mais beaucoup plus tard. Donc le grand public n'a été informé qu'à partir du moment où Pasteur a médiatisé ses propres expériences. Pasteur était d'une petite bourgeoisie locale qui était quand même à l'aise. Hein. Il était tanneur, son père, donc c'était pas un pauvre. Hein. Il était quand même relativement à l'aise, mais c'était un bosseur. Daniel Rechvargue. Et qui travaillait, qui réussissait parce qu'il était bosseur. Pasteur a toujours eu cette valeur, hein, de valeur de travail. Quand je me moque, moi, je rajoute famille, hein, parce que Pasteur aimait beaucoup sa famille, son père, le respect pour son père. Il est très ému quand il inaugure la plaque de la maison familiale à Dole. On devine le troisième terme. Et vous devinez le troisième terme, dois-je le dire, la patrie. Parce qu'il était napoléonien, hein, et quand ensuite il y a eu Napoléon III, il était tout triste que Napoléon III s'est dégagé. Et après, il a mis son savoir, au service de la République. Donc c'est facile de dire travail, famille, patrie. Évidemment c'est drôle parce que une des statues qui n'est pas déboulonnée pendant la guerre de 39-45, c'est Pétain qui envoie une sorte de télégramme au maire de Dole ou à la préfecture du Jura pour dire surtout ne déboulonnez pas la patrie. Faut garder la statue de Pasteur qui était en bronze pour pas faire des obus. Donc c'est très facile évidemment, et c'est faire de la reconstruction historique. Évidemment, on était en 1890. Bon, mais il a ses valeurs, qui sont des valeurs finalement assez classiques de l'époque. Travail, famille et sa patrie, sa France, quoi. Donc on ne peut pas non plus lui reprocher d'avoir ses valeurs du passé, maintenant du passé peut-être, mais qui avaient une certaine force à cette époque-là, quoi. Lycée Pasteur. Tout s'appelle Pasteur à Arbois. Ah ben attendez, un pasteur, Éric Orsenin a dit, s'il n'y a pas Arbois, il n'y a pas Pasteur. Hein. Voilà. Parce qu'ils vous ont dit que Pasteur Adol, il n'y est resté que 2 ans, 7 mois et 15 jours. Voilà. On n'avait pas autant de précisions. Ben, moi je les donne pour ne pas falsifier l'histoire. Oui, Philippe Brugnot, j'avais prévenu Madame Pelligan qu'on passerait en début d'après-midi. Parfait, merci. Voilà, donc là on rentre, c'est l'ancien couvent des Minimes, donc a toujours été un lieu pour l'éducation. Et ensuite, après la Révolution, c'est devenu donc collège public et Pasteur donc a fait ses études ici. À partir donc de 1831, Pasteur va entrer donc en classe de 8e au lycée de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est un lycée qui ne permettait pas d'aller jusqu'au bac scientifique. Eh bien, le principal, Romanet, propose au père de Pasteur d'aller préparer donc le baccalauréat à Paris. C'est un peu un exil pour Louis Pasteur, c'est ça ? Complètement. Pasteur donc monte à Paris en 1838, sauf que c'est le mal du pays, c'est le spleen. Et le père de Pasteur sait que son fils est complètement malade d'être dans cette grande capitale. Le 20 octobre, il va rechercher son fils. Et voilà le fils qui revient, un peu penaud, semble-t-il, hein, finir sa scolarité 1838-1839 au collège d'Arbois. Voilà, bienvenue dans cette maison. Alors, je vous emmène dans la chambre que l'on pense pouvoir être la chambre natale. Vous avez là une petite peinture à l'huile qui est de la main de Jean-Joseph Pasteur, qui a été dans la Grande Armée, donc qui vous montre bon, un souvenir certainement poignant quand on enterre un camarade un soir de bataille. C'est le père de Louis. Hein. C'est le père de Louis Pasteur. Donc, vous voyez, le tanneur savait un peu manier le pinceau et le dessin. Et vous avez des dessins de Louis Pasteur adolescent, ce que l'on ignore souvent. Entre 13 et 20 ans, il a fait énormément de portraits d'après nature. Il y a une vraie technique. Hein. Ah oui, oui. Alors, il dessin d'amateur. Non, il maîtrisait très très bien, et son professeur pointurier, dont on vient de terminer une exposition à Arbois, l'appelait mon petit Michel-Ange. Alors par la suite, c'est Pasteur, petit à petit, qui va donc abandonner, quand il a réussi le concours d'entrée à l'école normale supérieure, il abandonne les pastels et se consacre entièrement à ses études, surtout qu'il avait du retard à rattraper, il n'était pas très très bon, il avait eu médiocre en chimie au baccalauréat. Donc, c'est un peu réveillé par la suite. Ah oui, tout à fait, puisque dès la première année, il a eu le prix de physique à l'école normale supérieure. Strasbourg, 10 février 1849. Monsieur, une demande d'une haute gravité pour moi et pour votre famille vous sera faite sous peu de jours. Et je crois de mon devoir de vous adresser les renseignements suivants qui pourront vous servir à décider votre acceptation ou votre refus. Mon père est tanneur à Arbois, petite ville du Jura. Mes sœurs remplacent auprès de mon père pour les soins du ménage et du commerce ma mère, que nous avons eu le malheur de perdre au mois de mai dernier. Ma famille est dans une position aisée, mais sans fortune. Je n'évalue pas à plus de 50 000 francs ce que nous possédons. Et quant à moi, je suis décidé depuis longtemps à laisser intégralement à mes sœurs tout ce qui me reviendra en partage. Je n'ai donc aucune fortune. Tout ce que je possède, c'est une bonne santé, un bon cœur et ma position à l'université. Je suis sorti il y a 2 ans de l'école normale, agrégé pour les sciences physiques. Je suis docteur depuis 18 mois et j'ai présenté à l'Académie des sciences quelques travaux qui ont été très bien accueillis, le dernier surtout. Un rapport très favorable, que j'ai l'honneur de vous remettre en même temps que cette lettre, a été fait sur ce travail. Voilà, monsieur, toute ma position présente. Quant à l'avenir, tout ce que vous pouvez raconter, Agnès Descamps, comment Louis Pasteur a conquis son épouse, comment il la soustraite au recteur de l'université de Strasbourg. Ah oui, alors ça c'est une histoire assez extraordinaire parce que Pasteur était reçu chez le recteur comme toujours les recteurs ou les professeurs avaient un jour de semaine où ils recevaient leurs collègues et leurs élèves. Donc Pasteur est invité immédiatement quand il arrive à Strasbourg chez le recteur et là il y a encore deux filles à marier. Et au bout de 15 jours, il fait sa demande en mariage. Enfin, une demande qui au début n'est pas très précise. On ne sait pas laquelle des deux il demande. Et bon, c'est un petit peu confus. Ça a un peu la forme d'un curriculum vitae ou quelque chose comme ça. Il écrit une lettre au recteur en lui disant qu'il est un garçon très bien, quoi. Enfin, il n'y a pas de problème. Et qu'il va lui faire bientôt une demande. Mais il ne dit pas laquelle et il ne dit pas quelle fille l'intéresse. Mais c'est mystérieux, et puis finalement, en quelques jours, ça se résout et le mariage est décidé. Mais c'est qu'on ne sait pas si au tout début, il est attiré par Marie, ou si il se dit que ça serait très bien d'épouser la fille du recteur pour son avancement dans le professorat. Donc, ça reste un mystère, mais ça reste un mystère seulement au tout début. Parce que très vite, on va voir qu'il s'attache et il tombe amoureux. Pasteur, après avoir été à Strasbourg, Maxime Schwarz, s'est marié, il a été nommé en 1854, je crois, à Lille, où il a été professeur et où il devait développer les relations entre la recherche et l'industrie. C'était une demande de Napoléon III, qui était à la tête de la France depuis 48. Alors, Pasteur a donc commencé à s'intéresser de près aux applications industrielles de ses travaux, et il se trouve que un jour, un de ses élèves, qui était le fils d'un industriel qui fabriquait de l'alcool à partir de sucre de betterave, ce jeune homme lui a dit « Mon père a d'énormes problèmes avec ses fermentations, elles se passent pas bien, ça sent mauvais, la production d'alcool est pas bonne, etc. Est-ce que vous pourriez aller voir de quoi il s'agit ?» Dans le cas des problèmes de cet industriel lillois, ce qu'il a conclu, c'était que normalement, la fermentation alcoolique requiert un certain type de micro-organismes, des levures, et que quand les choses se passaient mal, que la fermentation n'était pas bonne, c'était qu'en fait, le milieu était contaminé par une autre sorte de micro-organisme qui faisait en l'occurrence la fermentation lactique. Fermentation lactique, c'est ce qui fait tourner le lait, si vous voulez. Donc c'était dû à la contamination d'un milieu par un autre micro-organisme. Et ça rejoint cette idée générale à laquelle il est arrivé rapidement, c'est que non seulement les fermentations sont dues à des micro-organismes, mais chaque type de fermentation a son micro-organisme particulier. C'est pas le même qui va faire la fermentation alcoolique, qui va faire la fermentation lactique ou qui va transformer le vin en vinaigre, c'est-à-dire l'alcool en acide acétique. Louis Pasteur enchaîne les sujets d'études les plus originaux et variés. Au gré de questions biologiques rencontrées par hasard, qui ne favorisent que les esprits bien préparés, ainsi qu'il aime à le dire, ou de situations sanitaires alarmantes qui exigent son intervention. Lorsque son ancien professeur Jean-Baptiste Dumas, sénateur du Gard, proche de Napoléon III et chimiste comme lui, l'appelle à l'aide pour sauver la sériciculture, Pasteur accourt sur le champ à Alès, où se situe l'action. Il observe que la population d'éleveurs de vers à soie, très laborieuse et très joyeuse en temps normal, car cette production est à la fois éreintante et prospère, sombre dans un marasme désolant à cause de mystérieuses maladies qui déciment les larves des lépidoptères. Il ne connaît rien au sujet. Qu'à cela ne tienne, il va tâcher de comprendre et résoudre le problème. Il s'y consacre intégralement. Il va jusqu'à faire sien le jargon fleuri du métier de magnanier. Chez ce dernier, la graine désigne l'œuf du bon Bix, une éducation est un élevage de vers à soie, et on dit joliment que le ver qui s'apprête à fabriquer son précieux cocon en vue de sa métamorphose monte à la bruyère. Le mal commença à se manifester en 1849. Les symptômes étaient multiples et changeants. Quelquefois, dès l'instant de l'éclosion de la graine, la maladie s'annonçait par l'existence d'une foule d'œufs stériles ou par une mortalité considérable des vers dans les premiers jours de leur naissance. D'autres fois, l'éclosion était excellente et complète et les vers arrivaient jusqu'à la première mue. Mais celle-ci se faisait mal. Un grand nombre de vers, prenant peu de nourriture, restaient plus petits que les autres, avec un aspect un peu luisant et une teinte noirâtre. Parallèlement à ces symptômes, il était facile de constater une mortalité plus ou moins sensible. Les vers qui meurent dans les premiers âges se dessèchent, se mêlent et se confondent aux débris de la litière. Et il faut quelque attention pour retrouver leurs cadavres. Dans les circonstances dont je parle, le magnanier n'avait pas besoin de recourir à une observation attentive des litières pour se convaincre des pertes qu'il éprouvait. Louis Pasteur, étude sur la maladie des vers à soie. À l'époque, alors on est en 1865 à ce moment-là, il faut voir que la France produisait 10% de la soie mondiale, ce qui était quand même considérable, donc c'était un des revenus importants dans le budget de la France. Or, il y avait des problèmes graves, les vers à soie tombaient malades et puis donc ne faisaient pas de soie et la production de la soie a chuté de façon dramatique dans la vallée du Rhône, l'Ardèche, etc., où on faisait de la soie. Alors Jean-Baptiste Dumas a appelé Pasteur au secours. Bon, Pasteur, il n'avait aucune idée de ce qu'était un ver à soie. Il n'avait jamais vu un ver à soie, jamais vu une chrysalide, etc. Il y a des épisodes amusants où Fabre, le grand entomologiste, raconte une visite que Pasteur lui a faite. Fabre donne une chrysalide à Pasteur, il ne sait pas ce que c'est. Il la met à son oreille, il secoue, il dit ça fait du bruit là-dedans. Donc il n'avait aucune idée de ce que c'était qu'un ver à soie, etc. Mais il n'hésitait pas, et puisque son mentor Dumas lui demandait d'aider, il a décidé de se mettre au travail. C'était pas du tout un naturaliste, Louis Pasteur. Ah, pas du tout, non. Pasteur était chimiste. Donc, il va se mettre à travailler sur ces vers à soie, ça va durer 5 ans. Un travail extrêmement difficile. En plus, au début, on parlait d'une maladie des vers à soie, qu'on appelait la pébrine, qui se traduisait par des petits points noirs ressemblant à du poivre, de pèbre, c'est là que vient le nom de pébrine. Bon, Pasteur a mis longtemps à comprendre que finalement, il s'agissait de maladies infectieuses dues à des microbes. Mais il a fini par le comprendre. Et il a pu mettre au point, alors dans le cas de la pébrine, une méthode très simple. C'était, il avait constaté que quand la femelle avait ses points noirs, donc elle était atteinte de la pébrine, eh bien ses descendants attrapaient la pébrine et mouraient. Donc ce qu'il a fait, c'est il a fait ce qu'on a appelé le grainage. Il s'est mis les femelles qui allaient pondre dans des casiers. Donc elles, chacune pondait sur un petit carré de buvard. Une fois qu'elle avait pondu, on prenait la femelle, on l'écrabouillait, on la regardait au microscope. S'il y avait des points noirs encore de la femelle, on éliminait toute sa descendance. S'il n'y avait pas de points noirs, on gardait la descendance. Et ce qu'on constatait, c'est que dans ce cas-là, eh bien, les œufs considérés comme sains, puisqu'ils venaient d'une mère saine, effectivement, donnaient des vers qui faisaient leur boulot de faire de la soie, alors que les autres, si on les avait gardés, ils seraient morts. Souvent, le travail de Pasteur est très, très besogneux, en tout cas méticuleux. Oui, c'est un travail extrêmement méticuleux. Il a d'ailleurs mis sa famille au travail. Faut dire d'ailleurs, puisque je parle de sa famille, que ça a été une période extrêmement difficile pour Pasteur. Entre 65 et 70, il a perdu en fait deux de ses filles. Il en avait déjà perdu une plus tôt, donc Pasteur avait initialement eu 5 enfants, et il en a perdu 3 sur les 5. 2, ça a été de la typhoïde, et la 3e, ça a été d'un cancer. Donc ça a été une période très difficile, et c'est à la fin de ses travaux sur les vers à soie, en fait, il avait 46 ans, qu'il a eu une attaque cérébrale, on dirait un AVC aujourd'hui, et qu'à la suite de ça, on a cru qu'il allait mourir. Il en est sorti, ses facultés intellectuelles sont restées intactes, mais il est sorti en partie paralysé sur le côté gauche, et donc à partir de ce moment-là, il pouvait plus faire d'expérience lui-même. Ce sont ses assistants, ses préparateurs, comme on dit, qui faisaient le travail sous ses ordres. Philippe Brugnot, on se dirige vers le cimetière d'Arbois, qui est un peu à l'écart de la ville. On va rentrer dedans. C'est là où toute la famille Pasteur, en fait, est enterrée, bien entendu. Sauf lui et Marie. Arbois, on est au cœur de l'automne en ce moment, et on voit ces vignes qui prennent une couleur jaune, marron, ocre. Et dans le vieux cimetière, c'est René Valéry Radeau, le gendre de Pasteur, son biographe aussi, dit « Pasteur a connu là le fond de la douleur ». Et effectivement, il faut s'imaginer combien de fois Pasteur est venu inhumer les siens dans ce cimetière. Alors, la première de ses filles, c'est Jeanne, qui meurt en 1859, c'est la fièvre typhoïde, et elle meurt donc en septembre 1859. Et là, Pasteur bien se rend compte que la vie est courte et que on vient. Elle est morte à Arbois. Elle est morte à Arbois chez son grand-père, donc dans la maison d'Arbois. Et Pasteur écrit à son fils: mon cher petit Jean-Baptiste, la pauvre Jeanne est morte hier soir à 7h. Maman et moi, nous irons bientôt vous rejoindre et pleurer avec vous ce cher ange qui vient d'allier au ciel. Prie Dieu pour nous. Là, Philippe Brugnot, nous sommes face à deux tombes identique, c'est exactement la même facture. Une datée de 1859 et l'autre... Eh bien, c'est celle de Jeanne, voilà. Et l'autre, 65 et 66. C'est les deux autres filles de Pasteur que Pasteur va perdre en bas âge. C'est le même marbrier qui a fait le travail. Tout à fait. Alors, il y a la petite Camille qui est morte très jeune d'une tumeur au foie qui l'a emportée très rapidement. Et puis, il y a Cécile. On parlait de Jeanne, morte en 1859 de fièvre typhoïde. Eh bien, Cécile meurt, elle aussi, en 1866, d'une fièvre typhoïde. Et donc, en peu de temps, hein, 1859, 1865 et 1866, Pasteur va perdre trois de ses enfants. Et l'année 1865, c'est la tombe juste devant Jeanne, c'est son père. Donc, Pasteur va vraiment avoir une période très difficile, très mauvais. Quasi malédiction. On peut le dire, il écrit à son épouse quand sa chère Cécile meurt, « Ma pauvre Marie, ils mourront donc tous les uns après les autres, nos chers enfants, ma pauvre Cécile, que j'aimais tant, moi aussi il me tarde d'aller vous rejoindre, mes chers enfants. » Vous n'êtes pas loin, Maxime Schwartz, de faire le lien entre ces trois deuils terribles, trois filles mortes respectivement à 9 ans, 12 ans et 2 ans, et son attaque cérébrale? Oui, enfin, c'est toujours difficile d'être certain des causes d'une attaque cérébrale. On peut le penser, mais ce n'est pas clair. En tout cas, il n'est pas passé loin, parce que je crois qu'il est resté aphasique pendant quelques semaines. Et puis, ça s'est remis progressivement. Oui, on a cru qu'il allait mourir. D'ailleurs, il y avait des travaux qui avaient été entrepris à l'école normale pour lui créer un laboratoire un peu mieux que ce qu'il avait jusque-là. Et voyant son état, les ouvriers, les gens qui faisaient les travaux avaient arrêté les travaux. Et l'empereur qui a appris ça était absolument furieux et a dit « il faut continuer les travaux ». Et il a eu raison parce que Pasteur a quand même fini par s'en mettre. Et tant qu'on y est, Maxime Schwartz, est-ce qu'on peut parler des relations entre Napoléon III et Pasteur, et entre Pasteur et la France? Ah, Pasteur et la France. Alors, Pasteur était très nationaliste. Alors, on en arrive tout de suite à l'Allemagne quand on parle de Pasteur et de la France. Au début de sa carrière, disons quand il avait à peu près 30 ans, Pasteur a fait un voyage assez important, notamment en Allemagne, à la recherche de ce fameux paratartrate sur lequel il avait commencé à travailler. Allant de ville en ville, et il n'a pas trouvé son paratartrate, mais il a été extrêmement content de ce voyage parce que les gens connaissaient ses travaux à l'époque sur la dissymétrie moléculaire. Il était très apprécié, il était très bien reçu. Et il était profondément germanophile en revenant. Oui, ça va changer. Et il aimait bien qu'on le flatte. Ah bah naturellement. Bah, ça, tous les chercheurs sont comme ça. On aime bien. D'ailleurs, les gens en général, ils sont contents qu'on les admire. Donc, il était très content qu'on le flatte. Et donc, il est devenu. Il était très ami avec les Allemands. Il s'est dit, je vais avoir d'excellentes relations avec les scientifiques allemands. Et puis là, il commence à y avoir des bruits de bottes. Annick Perrot. Aux frontières. On est en 1869. Et il a rien vu venir en juillet 70, donc c'est la guerre qui éclate. Et le 2 septembre, malheureusement, on connaît la catastrophe, c'est la défaite de Sedan. Napoléon III capitule, donc l'Empire est à terre, et Pasteur est anéanti aussi. Mais il s'en remet pas. Il écrit même qu'il est brisé par la douleur. Toutes ses illusions sont évanouies. Wolfgang Münkemeyer, ancien maire de Clausthal-Zellerfeld, la ville natale de Robert Koch, rival allemand de Louis Pasteur. D'abord, il y avait le nationalisme exacerbé de Pasteur, provoqué par la défaite de la guerre de 1870-71. Pasteur avait dû lui-même, avec sa famille, fuir devant les troupes allemandes. Et pendant que son fils était au front? Son fils et aussi un de ses neveux étaient également à la guerre. Ils étaient blessés et malades. Et alors que l'artillerie allemande bombardait Paris pendant le siège et que des bombardements ont même détruit plusieurs établissements scientifiques à Paris, Pasteur a parlé à propos de ça d'une ruine culturelle. Mais le plus important a été qu'après la guerre et le traité de paix, l'Alsace et la Lorraine ont dû être soustraites à la France. En guise de protestation, il a renvoyé à l'université de Bonn son titre de docteur honoris causa. Et dans sa lettre, il a tenu des propos injurieux envers l'Empire et l'Empereur allemand. Mais sa lettre était cependant empreinte d'un grand respect à l'égard de la communauté scientifique allemande. Pasteur disait que son travail ne servait qu'un but. La vengeance, la vengeance, la vengeance. Il a orienté ses travaux dans l'élaboration d'une bière, et c'est ironique, qui aurait été meilleure que la bière allemande et qui se serait appelée la bière de la revanche. Faites à la pression aussi ? Oui, on fait à la pression aussi, mais c'est pas la majorité de ce qu'on fait. Nous, on fait beaucoup, beaucoup de bouteilles. Le marché du fût, c'est quelque chose d'assez particulier. Hein. Il y a des réseaux de distribution et tout ça, donc c'est un autre métier encore, quoi, de distribuer de la bière en fût. Donc on en fait très peu pour l'instant, quoi. C'est toujours Jonathan Habergel, l'espèce Saccharomyces cerevisiae. Alors oui, c'est l'espèce Saccharomyces cerevisiae que nous utilisons. Et aujourd'hui, il y a une très grande mode sur les bières dites spontanées, les bières acides. C'est une très grosse mode dans le milieu de la bière aujourd'hui. C'est une gueuse bruxelloise. Exactement. Donc avec d'autres souches de levure, et du Brettanomyces bruxellensis. Donc ils vont pas être que sur de la fermentation alcoolique, mais du lactique, des fermentations acétiques. On a aussi des souches de bactéries lactiques. Voilà, ça, aujourd'hui, la fermentation, les brasseurs explorent la fermentation plus qu'à une certaine époque, c'est-à-dire ce qui était considéré comme un défaut, une infection. Aujourd'hui, c'est volontairement mis dans la bière pour en faire des gueuses. C'est un style à part entière, quoi. Alors vous, Eric Henault, à votre brasserie parisie à Épinay-sous-Sénart, vous ensemencez un mou stérile avec des levures sélectionnées. Et ça n'a pas toujours été comme ça. La bière, c'est une préparation qui existe depuis des millénaires. Et c'était beaucoup plus hasardeux, peut-être avant Pasteur. Avant Pasteur, c'était souvent des fermentations spontanées. Avec les levures de l'air. Avec les levures de l'air. Je suppose qu'à l'époque aussi, il y avait peut-être une petite sélection qui devait se faire. C'est-à-dire qu'il devait prendre quelquefois, je pense, des jus fermentés qui marchaient bien. Et puis ils se sont aperçus qu'en réalimentant leur mou, ils faisaient des produits assez corrects. Je pense que ça se passait comme ça, avec une sélection naturelle des empiriques. Éric Henault, comme votre camarade Jonathan Bergel, vous avez étudié la microbiologie pendant vos études. Est-ce que de nos jours encore, travaillant à la brasserie, vous avez le sentiment d'être redevable de quelque chose à Pasteur et de quoi précisément? Est-ce qu'on pense à Pasteur un peu comme un grand ancien? Bien sûr, tout à fait. C'est quelque chose de fondamental. Nous, ici, on ne pasteurise pas notre bière, donc on n'utilise pas cet aspect du process. Mais en revanche, ce que l'on doit à Pasteur, c'est toute la connaissance microbiologique, c'est-à-dire qu'on doit travailler avec de façon très très pure, stériliser nos moûts et utiliser des jus complètement exempts de micro-organismes pour que le micro-organisme que l'on va mettre, la levure, Saccharomyces cerevisiae, puisse se développer et donner toutes les caractéristiques et travailler seul. Voilà. Donc oui, Pasteur a énormément apporté sur les connaissances de la fermentation du vin et puis après au niveau de la bière. Vers toi, noble pasteur, vers toi le bienfaiteur, un hymne de reconnaissance. Pasteur aimait bien les honneurs, dans sa modestie apparente, Annick Perrault. Oui, oui, ouais. Il les aimait les honneurs, mais c'est très légitime d'ailleurs. Oui. Je trouve qu'on lui a reproché, mais enfin, qui n'aimerait pas les honneurs? Et les honneurs se sont manifestés abondamment. On en a un témoignage, par exemple, dans cette vitrine, achetée spécialement par Madame Pasteur, pour présenter toutes les décorations qu'il a reçues. Et des décorations du monde entier. Oui, par exemple. Par exemple, il y a la très belle décoration de la rose du Brésil, qui lui a été conférée par l'empereur Dom Pedro, qui était lui-même correspondant aussi étranger de l'Académie des sciences. Il y a le Portugal, la Suède, la Turquie, le Danemark, et puis bien sûr, la Légion d'honneur. Dans lequel il a eu tous les grades. Le très beau cordon, multicolore. Bon. Oui, oui, oui. Bruno Fulini, je m'adresse à vous parce que vous avez un goût pour la politique amusante, ça existe, ou la politique ratée. En tout cas, Pasteur, le grand savant qu'on célèbre et qu'on honore, a eu des ambitions politiques, une carrière politique très embryonnaire. On l'y pousse ou il y vient spontanément? Alors, Louis Pasteur a d'abord conscience qu'en tant que scientifique, il ne peut pas se passer de l'État et des pouvoirs publics. Alors, sous le Second Empire, lui qui est issu d'une famille bonapartiste, il va faire le courtisan et il va être reçu par Napoléon III qui va vraiment s'enthousiasmer pour lui et donc débloquer des crédits, le couvrir de récompenses, distinctions, la Légion d'honneur, un prix à l'exposition de 1867, ce genre de choses. À telle enseigne que Napoléon III décide non seulement de l'encourager en tant que scientifique, mais même de lui accorder une distinction du plus haut niveau en le nommant au Sénat impérial. Et donc, il y a une nomination, car à l'époque, tous les sénateurs ne sont pas élus. Il y a ce qu'on appelle la politique des illustrations, c'est-à-dire qu'on nomme sénateurs des personnalités, et ça, c'est du fait de l'exécutif, des personnalités qui illustrent la France et son génie. Napoléon III signe donc un acte qui doit rendre Pasteur membre du Sénat impérial, sauf que cet acte est signé le 27 juillet 1870, donc la guerre est déjà déclarée, et puis dans le bazar ambiant, en fait, l'acte ne sera jamais publié. Et puis le 4 septembre, donc quelques semaines plus tard, le régime s'effondre et il n'y a plus de Sénat. Et puis arrivent les lois constitutionnelles de 1875, qui vont créer véritablement la Troisième République. Et dans ces institutions de la Troisième République, on prévoit de nouveau un Sénat. Et des élections sénatoriales sont prévues en janvier 1876. Et c'est dans ce contexte-là que Pasteur, qui a vu lui passer sous le nez un mandat de sénateur pendant l'été 1870, croit son heure venue, d'autant qu'il a un ami dans le Jura, son département natal, qui lui assure que vraiment le soutien de nombreux élus locaux lui est assuré compte tenu de son renom. C'est gagné. Et d'ailleurs, ce qui est remarquable, c'est qu'il ne se présente pas sous les couleurs d'un parti politique clairement identifié. Et puis surtout, il multiplie les maladresses. Il se présente comme candidat pour la science. Hein, il n'est pas un homme politique, il ignore tout de la politique. En fait, il faut les lire parce que le Sénat a besoin, écrit-il, d'illustrations scientifiques. Pas sûr que ça suffise à convaincre. Il rappelle qu'il a failli être sénateur en 1870, ce qui est encore une façon d'irriter les républicains en leur remémorant cet épisode où finalement il était un protégé de Napoléon III. Il faut imaginer ce que signifie le nom de Napoléon III seulement 5 ans après la défaite, 6 ans après la défaite de Sedan. Les grands électeurs du Jura, les maires des petites communes rurales, ils veulent des routes, des promesses de chemin de fer, du développement, des emplois publics pour caser leurs administrés, ce genre de petites choses qui font la vie publique locale. Bon, lui n'en parle pas du tout, ne pense même pas à évoquer ces misérables questions infracantonales, et lui arrive là avec sa bonne foi de savant, avec ses grandes idées qui ne sont pas du tout stupides, mais qui sont tout simplement déplacées. Il fait des conférences comme s'il s'adressait à l'Académie des sciences, alors qu'il est devant des électeurs du Jura, des militants républicains, des journalistes de la presse locale dont certains sont acquis à ses adversaires, et ça va lui coûter très cher. C'est un personnage qui incontestablement suscite quelque chose qui ressemble à un culte de la personnalité, Alain Marchal. Ah ben, Louis Pasteur. Oui, tout à fait. Alors vous avez là dans ce passage, regardez, vous avez cette caricature de Moloch qui représente Pasteur avec ses décorations. Et il est obligé de mettre des rallonges comme un peu un homme sandwich auquel sont attachées toutes les breloques de toutes ses médailles. Et il s'est présenté avec ses décorations en expliquant quelle était l'origine de chacune de ces décorations. Vous pensez bien que la presse s'en est emparée. Et jusqu'au 30 janvier 1876, jour du scrutin, il y croit. Seulement, il a quelques adversaires. Des adversaires solides, Bruno Fellini. Oui, il y a au total 5 candidats pour 2 sièges à pourvoir. Eh bien, Pasteur fait un score misérable. Les 2 républicains sont largement élus par 446 voix sur 660 votants pour Tamisier, 445 voix pour Turel. Le général Picard arrive loin derrière avec 183 voix, Besson 153 voix. Et enfin, Pasteur, tout membre de l'Institut qu'il est et grand scientifique, fait piteusement 62 voix, moins de 10% des grands électeurs ont voté pour lui. C'est une humiliation sévère. Nous voici maintenant, mes chers auditeurs, à l'Institut Pasteur, à proximité du boulevard Pasteur, dans ce quartier dont toutes les rues portent les noms des plus illustres disciples du maître. La loge du concierge est occupée par un alerte sexagénaire qui est lui-même un personnage fameux. C'est Joseph Mester, dont le nom est étroitement lié à la découverte du vaccin contre la rage. Joseph Mester, qui veut bien nous accorder une brève interview, dans laquelle il nous rappellera son extraordinaire aventure. C'était en 1885. À cette époque, M. Pasteur avait beaucoup d'ennemis, surtout dans le monde médical. Dans les hôpitaux, on refusait de me donner son adresse et l'on voulait me garder pour me soigner. Mais ma mère insista tellement qu'on finit par nous envoyer à l'école normale supérieure de la rue d'Ulm où travaillait M. Pasteur. Car, bien entendu, l'Institut Pasteur n'existait pas à ce moment-là. Mais dites-moi, comment le grand savant vous accueilla-t-il? Monsieur Pasteur était très ému. Il n'avait jamais fait d'expérience de son vaccin autrement que sur les animaux. Mais ma mère insista, faisant valoir que puisque j'étais condamné, je n'avais rien à craindre et qu'on pouvait essayer sur moi le seul traitement qui existait. Vous avez donc, en quelque sorte, servi de Kobe, le premier Kobe humain, à Pasteur. Et à vous voir, aujourd'hui, encore si vigoureux, je n'ai pas besoin de vous demander si le traitement a réussi. Il a en effet parfaitement réussi, et c'est ainsi qu'on a la preuve formelle que M. Pasteur avait bel et bien trouvé le remède de la rage. Il ne faudrait pas oublier aussi que dans de nombreux domaines, il n'est pas tout à fait le précurseur qu'on imagine. C'est pas lui, il est loin de là, qu'a inventé la vaccination, par exemple. Oui, si on est honnête, à l'Institut Pasteur, on le dit d'ailleurs, on peut considérer que le père de la vaccination est génère, qui protégeait de la variole en injectant la vaccine. Alors c'était tout à fait empirique différent. On s'est aperçu, donc là, du temps de génère, donc on va dire un siècle avant Pasteur, que les fermiers qui travaillaient sur des vaches qui avaient la maladie qui s'appelle la vaccine, bon, c'est sûr, c'était peut-être pas très joli, leur pustule sur les mains, etc. Mais en tout cas, ils n'attrapaient pas la variole, ou s'ils étaient contaminés par la variole, ça se passait très bien. Donc, de manière très empirique, il en a été déduit que la vaccine pouvait protéger de la variole. Pasteur, un siècle plus tard à peu près, lui, il est convaincu que toutes les maladies contagieuses sont dues à des microbes, donc que la variole est due à un microbe, que la vaccine est dû à un microbe, et il se dit, si la vaccine ne donne pas la maladie, ça doit être une forme atténuée de la variole. Et donc, ce que Jenner a fait avec la variole, peut-être qu'on pourrait le faire avec d'autres maladies, et on pourrait peut-être atténuer les microbes donnant des maladies, et qu'ensuite, l'inoculation de ce microbe atténué protège contre le microbe virulent. Et depuis début 83, il a commencé à travailler sur la rage. Et donc, il se disait que s'il arrivait à protéger les gens contre la rage, ben certainement que ça ferait beaucoup pour convaincre même les médecins de ses théories sur la vaccination. Bon, la rage lui a posé énormément de problèmes, parce que il a jamais pu voir le microbe de la rage. On le sait aujourd'hui pourquoi, c'est que c'est un virus. Et un virus, ça se voit pas au microscope optique. Il fallait un microscope électronique, mais le microscope électronique, ça a été inventé 50 ans plus tard. Donc, il pouvait pas voir son microbe. Deuxièmement, un virus, ça ne se développe pas dans un milieu de culture. Ça ne se développe qu'à l'intérieur d'une cellule animale. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il a cultivé, entre guillemets, son microbe de la rage sur lapin. Et manipuler un lapin enragé, c'est quand même beaucoup moins dangereux que de manipuler un chien enragé. Bon, alors, il avait pu cultiver, entre guillemets, ce virus. Maintenant, il fallait l'atténuer. Alors, antérieurement, c'était en laissant traîner plus ou moins ces cultures de bactéries, en présence d'oxygène, il pensait que l'oxygène était important, qu'il était arrivé à les atténuer, ces bactéries. Donc, il s'est dit, on va faire pareil avec la moelle de lapin enragé. Donc, il suspend ça dans un bocal. Et pour ceux qui connaissent le célèbre tableau d'Edelfeld qui représente Pasteur dans son laboratoire, on le voit qui tient une fiole et il y a un petit truc rouge qui pendouille au milieu de la fiole. C'est une moelle de lapin enragé. La moelle épinière étant justement relativement filiforme, est plus facile à sécher que du cervelet ou un hémisphère cérébral. Et les cristaux au fond du bocal, c'est quoi? Ah ben, c'est de la potasse qui aide à sécher l'air, assurer la dessiccation. Alors, il a fait ça sur des lapins. Vous voyez, là, on a un monument aux morts, aux lapins morts pour la science. Hein, parce que certainement des centaines et des centaines de lapins sont passés par les laboratoires de Pasteur. Alors ensuite, il fait des expériences de vaccination qui sont un peu curieuses. Il ne se contente pas d'inoculer cette moelle qui a traîné pendant 14 jours. Il va faire quelque chose qui ressemble à ce qu'on appelle la mitridatisation, qui consiste à habituer à un poison en mettant des doses de plus en plus fortes pour qu'on devienne résistant. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va inoculer aux chiens d'abord de la moelle qui a traîné pendant 14 jours, donc il n'y a plus du tout virulente. Et puis après ça, de la moelle qui a traîné pendant 13 jours, donc il y a peut-être un tout petit peu de virulence. Et puis comme ça, il va arriver jusque de la moelle de la veille qui est totalement virulente. Et il voit quand il fait ça avec des chiens, ben les chiens, ils n'attrapent pas la rage. Il a à peine terminé ses expériences, c'est pas encore tout à fait concluant, qu'on lui amène ce fameux petit Joseph Meister, un enfant de 9 ans qui arrive d'Alsace. C'est-à-dire que c'est un Allemand à l'époque. C'est un Allemand à l'époque, oui, ce n'est pas indifférent. Mais il a été très gravement mordu par un chien qu'on a supposé enragé, qu'il était probablement. La mère supplie Pasteur de le vacciner parce qu'elle avait entendu parler des expériences de Pasteur. Pasteur hésite énormément parce que ses expériences sur les chiens sont à peine terminées. Et puis, expérimenter sur l'homme, c'était quand même un peu osé. Il faut pas oublier que c'est un système où, à la fin, il inocule une moelle totalement virulente. Donc, c'était quand même une expérience très risquée. Donc, il hésite beaucoup, il demande des avis. Roux, son collaborateur médecin, n'est pas d'accord. Il dit on n'a pas assez d'expérience sur les chiens pour tenter le coup sur l'homme. Il trouve d'autres médecins qui sont d'accord. Lui, il veut absolument aller de l'avant. Il va de l'avant. Il faut quand même dire, un peu vulgairement, il était quand même gonflé. Et là, ça, c'était le 6 juillet 1885. Et en octobre, le 21 octobre suivant, on lui envoie un autre enfant, Jean-Baptiste Jupille, qui, lui, s'était fait mordre par un chien enragé alors qu'il défendait ses petits camarades qui étaient attaqués, qui avaient tué le chien enragé. Aussitôt, Pasteur, bon, d'une part, là, le délai était suffisant pour être convaincu que Meister avait vraiment pas attrapé la rage. Il avait engagé le traitement pour Jupille. Et là, bah, il fait sa communication à l'Académie des sciences, à l'Académie de médecine, en disant, voilà, j'ai trouvé moins de moyens de protéger contre la rage quelqu'un qui a été mordu par un animal enragé. Bon, ça a été pris pour la plupart des journaux comme une victoire sensationnelle, etc. Quand on regarde les choses rétrospectivement, c'est quand même un petit peu absurde, parce que il avait une expérience sur un animal, on n'était pas 100% sûr que le chien était enragé. Eût-il été enragé, il avait 15 ou 20% d'avoir la rage. Donc dire qu'il avait trouvé le moyen de protéger à tout coup contre la rage, c'était un peu fort. Donc si on est rigoureux, c'est pas tout à fait probant. C'est pas tout à fait probant. Heureusement, il y a eu des tas de cas après. Et il y a eu une enquête qui a été faite même par une commission anglaise peu après, donc il y a vraiment prouvé que la vaccination contre la rage de Pasteur était valable. Alors là, c'est la gloire pour Pasteur, puisque quelques mois plus tard, le 1er mars 86, Pasteur fait sa déclaration devant l'Académie des sciences et il dit 350 personnes sont venues se faire vacciner, il y a eu un seul échec. Donc, tout le monde est convaincu et ça va être le lancement d'une souscription nationale et même internationale pour créer l'Institut Pasteur. Et là, le succès de la souscription sera tel que l'Institut Pasteur pourra faire beaucoup plus que de s'occuper de la rage, mais faire généralement la recherche sur les maladies infectieuses, l'enseignement, etc. C'est vraiment ça qui a assuré sa gloire. Il est devenu, était qualifié de bienfaiteur de l'humanité. I gave him inoculation, despite some protestation, was the first vaccination, led to his rehabilitation. Imagine my elation at my medical creation, and so my vaccination. Comment un peintre prometteur devient bienfaiteur de l'humanité? Avec Daniel Reichwarg, professeur à l'université de Dijon, Maxime Schwartz, ancien directeur général de l'Institut Pasteur, Alain Marchal, de la maison natale de Pasteur à Dole, Philippe Brugnot, médecin à Arbois, Agnès Descamps, auteur de Madame Pasteur, Annick Perrault, conservatrice honoraire du musée Pasteur de Paris, Wolfgang Münkemeyer, ancien maire de Clausthal-Zellerfeld, ville natale de Robert Koch, Jonathan Habergel et Éric Hainaut, brasseur à Épinay-sous-Sénart, Bruno Fulini, historien. L'hymne à Pasteur était interprété par Éric Pierrière de la compagnie A Beauvau. Traduction Claude Moiteau, voix française Rafik Zénine. Texte lu par Daniel Königsberg et Mathilde Wagman. Bibliographie sur franceculture.fr. Merci à Aurélie Pertuison du service de presse de l'Institut Pasteur et au Café Les Bancs Publics à Paris 19e. Coordination Perrine Kervran, attachée de production Marie-Vonne Abolivier, Archivina Hervé Evano et Viviane Lefebvre, prise de son Benjamin Chauvin, Sandrine Malon et Georges Thau, mixage Alain Joubert. Un documentaire d'Olivier Chaumel, réalisé par Rafik Zénine. LSD à l'heure d'été, c'est fini pour aujourd'hui. Et pour nous réécouter devant le microscope, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Abolivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.